إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer maintenant le cours numéro 25 dans l'explication du livre Sharh al-Usul al-Thalatha de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Et le livre s'intitule Ithaf al-Uqul bi Sharh al-Thalathati al-Usul. On commence le cours maintenant, on est arrivé à l'Asl al-Thani, dans les trois fondements, al-Usul al-Thalatha. On fait maintenant al-Asl al-Thani. Le premier asl, le premier fondement, c'était yani le fait de yani connaître Allah subhanahu wa ta'ala, man rabbuk, qui est ton Seigneur. Le deuxième fondement, c'est le fait de connaître la religion d'Allah, c'est-à-dire l'islam. Al-asl al-thani, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc le cheikh il dit wa qala al-musannif rahimahullah al-asl al-thani ma'rifatu din al-islam bil adillah wa huwa al-istislam lillah bil tawhid wal inqiyad lahu bit ta'ah wal bara'atu min ash-shirk wa huwa thalath maratib al-islam wal iman wal ihsan. Donc le cheikh explique que le deuxième fondement, c'est la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves, et il définit l'islam en disant que c'est le fait de se soumettre à Allah en établissant son unicité, son tawhid, dans l'adoration, et de se soumettre à Allah par son obéissance, en obéissant à Allah et à son messager, et de se désavouer du shirk, de se désavouer de l'idolâtrie et de tout ce qui est associé avec Allah dans l'adoration. Wa huwa thalathatu maratib, ou thalathu maratib. Il y a trois degrés dans l'islam. Le premier c'est al-islam, le deuxième c'est al-iman, et le troisième c'est al-ihsan. Et on va apprendre ce que chacun de ces degrés-là signifie. Le shaykh il dit, qawlu shaykh rahimahullah fil islam, fil asl al-thani, ma'rifatu din al-islam bil adilla. Al-adilla tu jam'u dalil. وهي الكتاب والسنة والإجماع وهذه الثلاثة الأصول متفق عليها والقياس قول الصحابي إذا لم يخالف والقياس وقول الصحابي إذا لم يخالف وهذه التي تثبت به أو تثبت بها الأحكام الشرعية والدين الأصل فيه النص فلا يعبد الله إلا بنص من كتاب أو سنة. قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فيما يروى عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. Donc le cheikh il explique que le cheikh Ubayd حفظه الله, il explique que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne l'explication du deuxième fondement de l'islam. Il dit que c'est de connaître l'islam par ses preuves, avec ses preuves. Et il dit que le mot en arabe pour dire preuve, c'est le mot adilla. Et ça, c'est le pluriel. Le pluriel, c'est adilla. Le singulier du mot adilla, c'est dalil. D'accord ? Donc quand tu dis à quelqu'un, par exemple, est-ce que tu as une preuve sur tel et tel sujet, tu dis, est-ce que tu as un dalil? هل عندك دليل؟ ما دليلك؟ Quelle est ta preuve? Quel est ton dalil? Et le dalil, il doit être tiré soit du livre d'Allah, soit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de l'ijma'. L'ijma', c'est quoi? C'est le consensus des savants de l'islam. Et donc, ces trois principes, ces trois choses-là sont les bases dans les preuves. Al-Kitab, le livre d'Allah, As-Sunna, la Sunna du messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou Al-Ijma', le consensus des ulama de l'islam. Ces trois fondements-là sont muttafaq alayha. C'est-à-dire, les ulama sont tous d'accord sur ces trois fondements-là. Il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence entre les ulama sur ces trois fondements-là, ces trois bases-là dans les preuves de la sharia. والقياس وقول الصحابي إذا لم يخالف. القياس, c'est ce qu'on appelle en arabe, القياس, c'est l'analogie qu'on peut faire, les analogies tirées du Coran et de la Sunna. Par exemple, si il y a une question nouvelle qui apparaît, et que cette question-là ou ce problème-là, il n'a jamais été présent dans le passé. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'existait pas. Et à l'époque des sahaba, après, ça n'existait pas. Puis après, par exemple, c'est apparu maintenant. C'est une chose nouvelle qu'on ne connaissait pas avant. Donc, on a besoin d'un verdict dans la sharia à propos de cette nouvelle chose. Savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est recommandé? Ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait qu'est-ce qu'on appelle al-qiyas. Al-qiyas. Bien entendu, c'est pas n'importe qui peut faire al-qiyas. C'est les grands ulama, les mujtahidin. Mais, c'est de faire une analogie en se basant sur des preuves qui existent à propos d'une chose déjà connue dans l'islam. Et tu essaies de comprendre dans cette chose qui a été interdite la cause qui a fait que cette chose-là a été interdite. Puis, qu'est-ce que tu fais après? Tu fais un lien entre cette cause et la chose qui est nouvelle. Puis, tu essaies d'établir un verdict semblable à celui de celui dont la cause est connue. Vous comprenez? Qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce que c'est du chinois pour vous? Non? Ok, d'accord. Donc, peut-être si je fais un schéma sur le tableau, ça va être plus clair. Un exemple? Oh, d'accord. Bon, un exemple. Supposons que, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de cigarette. Il n'y avait pas de cigarette. Alors, on pouvait pas savoir le verdict de la cigarette aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut pas chercher un hadith ou un verset dans le Coran qui mentionne la cigarette. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans la charia qui mentionne l'interdiction de quelque chose par rapport à une cause et qui serait semblable à quelque chose qui est présent dans la cigarette. D'accord? Donc on va dire par exemple, à l'époque quand les gens, les ulama, comme j'expliquais déjà, on a expliqué ça dans le cours de tafsir il n'y a pas longtemps, que à l'époque où la cigarette est apparue au début, les ulama ils savaient pas les vrais effets néfastes de la cigarette. Donc comment ils ont fait pour établir un verdict sur la cigarette à ce moment-là? Ils se sont uniquement arrêtés à son odeur. Donc ils ont dit, l'odeur de la cigarette, c'est quelque chose qui est nuisible et c'est quelque chose qui sent mauvais, quelque chose qui dérange. Donc, ils ont fait une analogie entre quelque chose qui était connu dans la charia, comme par exemple l'odeur de l'ail et des oignons. Ils ont dit, ça c'est quelque chose qui sent mauvais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à quelqu'un qui mangeait de l'ail ou des oignons crus de venir à la mosquée pour éviter de faire du tort et de nuire aux autres musulmans qui sont dans la mosquée, qui vont être dérangés par cette mauvaise odeur-là, et aussi de ne pas faire du tort aux anges, parce que l'odeur de l'oignon et de l'ail, c'est des odeurs qui également dérangent les anges, parce que ça sent mauvais. Hein. C'est pas comme les koufars, hein. Les koufars, ils disent que l'ail, c'est des trucs là dans les ils disent que les vampires, ils aiment pas les d'ail, hein. Non, ça c'est n'importe quoi, Allah al-Musta'an. En tout cas, l'ail c'est quelque chose qui sent fort, donc ça dérange, c'est quelque chose qui sent pas bon. Hein. Et donc, les ulama ils ont dit, étant donné qu'il y a un verdict dans la sharia au sujet de l'ail, et que la cigarette il a une mauvaise odeur, donc on peut faire une analogie entre ces deux choses-là, et établir que, étant donné que l'ail, manger de l'ail c'est makruh, c'est détestable, et manger de l'oignon c'est détestable si c'est cru, alors dans ce cas-là, on peut établir que ce verdict-là est le même pour la cigarette. Donc beaucoup de ulama au début ont dit que la cigarette pardon, était makruh à cause de l'odeur. D'accord ? Toutefois, on a compris que ce qiyas-là, il était faux. Ce qiyas, cette analogie entre les deux, était, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fausse. C'est vrai que la cigarette sent mauvais, que c'est nuisible, et qu'à cause de ça, c'est détestable. Mais il y a d'autres raisons qui font que la cigarette est plus que makruh. C'est-à-dire, c'est pas seulement détestable, c'est quelque chose qui est complètement haram. Et parmi les raisons de ça, c'est qu'est-ce que les ulama ont déterminé du fait que la cigarette cause des graves maladies pulmonaires, peut même être une cause des cancers, peut également nuire à la santé, peut nuire également à cause du fait que il y a beaucoup de raisons que ça peut causer la mort, ça peut nuire au fœtus si une femme est enceinte, ça colorie les dents, ça jaunit les dents, ça jaunit les doigts, ça sent mauvais. Toutes ces raisons-là réunies, en plus c'est un gaspillage d'argent, hein, gaspillage d'argent. Toutes ces choses-là ensemble font de la cigarette une chose qui est strictement haram, d'accord. Et donc on a pu, à partir de ces principes-là et de ces connaissances-là, même s'il n'y a pas un texte dans le Coran ou dans les hadiths qui détermine ou qui parle de la cigarette de façon explicite, mais on est capable d'extraire le verdict au sujet de la cigarette en se basant sur ces points-là et sur ces principes de qiyas, d'analogie. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple. Donc ça clarifie un petit peu. C'est ça, al-qiyas. وقول الصحابي, la parole d'un sahabi, par exemple, si un sahabi a dit quelque chose dans la religion et qu'il n'y a aucun d'autre parmi les sahabas qui l'a contredit dans ça, tous les autres sahabas étaient d'accord avec lui sur ça, il n'y a pas une parole d'un sahabi qui est venue pour dire que ça c'est pas vrai ou que c'est contraire, non, alors dans ce cas là certains ulama considèrent que ça c'est une preuve aussi dans la sharia. Ils appellent ça al-ijma' al-sukuti. Al-ijma' al-sukuti. C'est-à-dire le consensus silencieux. Pourquoi ils disent silencieux? Parce que on n'a pas la mention ou la formulation explicite du consensus qui a été mentionné. Sauf que le fait qu'il n'y a pas d'opposition à la parole de ce sahabi-là, ça c'est une preuve que c'est quelque chose d'accepté. Ou que c'est correct. Pourquoi? Parce que si un sahabi a fait quelque chose ou a dit quelque chose et que c'était pas correct, les autres sahabas devaient critiquer ça ou condamner ça. S'ils ont pas parlé contre ça, donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils ont approuvé. Hein? Donc ça, c'est également quelque chose qui existe parmi les preuves en plus du qiyas. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles certains savants n'ont pas été d'accord. Par exemple, d'accord? Donc certains qiyas, les ulama l'ont rejeté, certaines paroles des sahaba, certains ulama ont rejeté, ou le fait que certains considèrent que c'est une preuve, certains n'ont pas été d'accord là-dessus peut-être, tu vois? Mais le Coran et la Sunna et l'Ijma, ça, il n'y a pas de divergence. Dans le sens que ça, c'est une preuve. Yani, thabit. Hein, ça, c'est établi. Donc, le qiyas et la parole d'un sahabi, ça aussi, ça fait partie des choses qui sont mentionnées parmi les preuves. Hein, sauf que c'est pas au même degré que le Coran et la Sunna. D'accord? Et il dit, on peut établir donc des règles de la charia à partir de ces preuves-là. Et donc, à la base, dans la religion, les preuves sont les textes du Coran et de la Sunna. Et on n'a pas le droit d'adorer Allah, excepté avec une preuve explicite et un texte explicite du Coran et de la Sunna pour établir la validité de cette adoration-là. Et il dit que il y a une parole qui est attribuée à Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Dans cette parole-là, il dit, si la religion était basée sur notre jugement personnel, notre opinion personnelle, alors dans ce cas-là, de passer la main mouillée sur le dessous des chaussettes serait préférable à passer la main sur le dessus. Pourquoi? Logiquement, pourquoi? Parce que si on se basait sur la raison ou l'opinion ou la logique ou l'opinion personnelle, qu'est-ce qui est plus sale quand on marche avec nos pieds ou avec nos chaussettes? Qu'est-ce qui est plus sale? C'est le dessous de nos chaussettes et non pas le dessus. Pourtant, quand on fait le wudu, sur quoi on passe notre main? On passe la main sur le dessus des pieds. Ça, c'est la preuve que la religion se base pas uniquement sur qu'est-ce que tu considères comme étant rationnel ou qu'est-ce que tu considères comme étant ton opinion basée sur ton jugement personnel, soi-disant rationnel. Non. L'adoration, c'est quelque chose qui doit être établi par les textes, par les preuves de la révélation. Hein? Même si ça contredit ce que tu penses être plus rationnel ou plus logique. Il dit, وقال الشعبي رحمه الله إياكم والمقايسة فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال فما بلغكم عن من حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوا به. Ici le Cheikh Ubaid, il cite une parole d'un des imams parmi les salafs, l'imam al-Sha'bi, un des imams parmi les imams du hadith des premiers siècles, des premières générations. Il dit, rahimahullah, prenez garde à ce genre de jugement et d'analogie qu'on peut faire, parce que hein, l'analogie c'est bien si c'est basé sur les preuves et sur les textes, mais si c'est basé juste sur ton jugement et ta raison, hein, tu risques hein, de te tromper, de faire des erreurs. Et donc le cheikh, l'imam al-Sha'bi, il a dit, prenez garde à ce genre de jugement et à ce genre d'analogie basé sur votre raison. Il dit, je jure par celui qui tient mon âme en sa main, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, je jure par Allah que si vous vous basez uniquement et vous prenez uniquement le qiyas, hein, les analogies basées sur la logique et l'opinion personnelle et la raison, eh bien vous allez rendre halal ce qui est haram et vous allez rendre haram ce qui est halal. Alors ce qui vous est parvenu de la part de ceux qui ont mémorisé parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prenez-le. Hein, c'est-à-dire accrochez-vous à ce que les sahaba ont ramené de la sunna. Hein, ne vous basez pas uniquement sur votre logique et sur ce que vous comprenez vous-même. Le cheikh il dit, وَقَدْ اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ وَغَيْرِهِمْ عَلَى وُجُوبِ رَدِّ كُلِّ قَوْلٍ يُخَالِفُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ وَهَذَا لِمَا تَقَرَّرَ عِنْدَهُمْ رحمهم الله أن الدين يجب أن يكون من الكتاب والسنة والإجماع حجة بنفسه أن يكون من الكتاب والسنة والإجماع حجة بنفسه والصحيح أنه أن مستنده النص لكن هذا النص قد يعرف وقد لا يعرف. Donc le cheikh il dit, et les imams, les quatre imams des madhahib, qui sont les plus connus, les plus célèbres, le madhhab, les quatre imams des madhahib, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, et Ahmad, et d'autres parmi les imams qui sont pas parmi ces quatre-là, mais qui sont parmi les imams d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils sont tous d'accord. Leur parole est d'accord sur le fait que il est obligatoire de rejeter toute parole, toute position qui serait en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et il dit cela parce qu'il est établi, hein, c'est quelque chose de confirmé chez eux, que la religion, c'est obligatoire qu'elle soit basée sur le Coran et la Sunna. Et le consensus est une preuve en elle-même. Le consensus, al-ijma, c'est une preuve par elle-même. C'est-à-dire que c'est pas nécessaire que tu connaisses la référence de l'ijma du Coran et de la Sunna pour que ce soit considéré comme étant une preuve. Du moment que tu sais que quelque chose, il y a un ijma à son sujet chez les ulama et que les salafs sont d'accord sur une chose, ça devient une preuve en soi. Et le cheikh dit que l'opinion correcte à ce sujet-là, c'est que la source de l'ijma doit être basée sur un texte explicite du Coran et de la Sunna. Sauf que ce texte-là peut être connu ou ne peut ne pas être connu. C'est-à-dire, c'est possible que tu le connaisses, c'est possible que toi tu ne le connaisses pas. Mais du moment que tu sais qu'il y a un ijma sur quelque chose ou sur une question dans la religion, c'est suffisant pour le considérer comme étant une preuve dans la charia, hein, même si tu ne connais pas la source de cet ijma. Le cheikh il dit, وقال الشيخ في تعريف الإسلام هو الإسلام لله بالتوحيد. Donc le cheikh, c'est-à-dire Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a défini l'islam en disant que l'islam c'est la soumission à Allah, hein, de se soumettre à Allah par son unicité, en acceptant son unicité, en se soumettant à Allah par son unicité, c'est-à-dire d'établir le tawhid, l'unicité d'Allah dans l'adoration, de croire que c'est lui seul qui mérite d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. Et le cheikh il dit, التوحيد هو أس الدين وقاعدته فدون التوحيد لا وزن لأي عبادة. Donc le cheikh il dit, le tawhid c'est le fondement de l'islam et la règle de base de l'islam. Sans le tawhid, il n'y a aucun poids à n'importe quelle adoration que tu fais. C'est-à-dire n'importe quelle adoration que tu vas faire, elle n'aura pas de poids si elle n'est pas établie sur le tawhid et si la personne qui fait cette adoration-là n'a pas accepté et appliqué le tawhid. Il dit ensuite, والتوحيد في اللغة التفريد بأن يجعل الشيء واحدا وتوحيد الله هو إفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Donc le cheikh il dit que dans la langue arabe, le terme tawhid signifie التفريد. التفريد ça veut dire quoi? De rendre unique, de rendre exclusif, de faire que quelque chose soit unique, hein? De faire que quelque chose soit unique, de faire que quelque chose soit yani exclusif, c'est-à-dire de rendre une chose un, de faire en sorte qu'une chose soit un. Et quand on dit donc le tawhid d'Allah, ça veut dire de rendre Allah un par sa souveraineté ou dans sa souveraineté, dans son adoration et dans ses noms et ses attributs. C'est-à-dire de considérer que Allah est unique et qu'il a de façon exclusive la rububiyya, le droit exclusif à l'adoration, et qu'il possède lui seul tous les meilleurs noms et les attributs de perfection. Il dit وقال والانقياد له بالطاعة والانقياد لله والانقياد هذا إن كان ظاهرا وباطنا فهو عمل المؤمنين، وإن كان ظاهرا فقط فهو عمل المنافقين، ولكن الانقياد الصحيح هو ما يشمل الظاهر والباطن، صحة العمل في الظاهر وإخلاصه في الباطن. Donc le cheikh il explique à l'inqiyad بالطاعة. Ça c'est la suite de la définition de qu'est-ce que c'est l'islam que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné. Il a dit à l'islam l'ilahi bil-tawhid, c'est-à-dire de se soumettre à Allah en établissant le tawhid, l'unicité d'Allah dans son adoration, et en se soumettant à Allah par son obéissance, en établissant l'obéissance d'Allah. Donc on se soumet à Allah en lui obéissant. Et le cheikh il explique que cette obéissance à Allah et cette soumission à Allah doit être intérieure et extérieure. Elle doit être intérieure dans notre cœur, sincère, et doit être extérieure dans nos actions, dans les choses qu'on fait en apparence. Et le cheikh dit donc ça, si elle est interne, si cette adoration qu'on fait, cette soumission, elle est intérieure et extérieure, dans ce cas-là, ça c'est le travail et l'action des croyants. Les croyants, ils croient et ils se soumettent à Allah intérieurement et extérieurement. Si c'est seulement extérieurement, seulement dans les actions, mais que le cœur, il n'est pas là, que les actions sont pas sincères, ça c'est l'action des hypocrites, des munafiqines. Mais il dit, la soumission qui est authentique et qui est vraie, qui est correcte, c'est celle qui comprend les deux, qui comprend l'intérieur et l'extérieur. Il dit صِحَّةُ الْعَمَلْ فِي الظَّاهِرْ وَإِخْلَاصُهُ لِلَّهِ فِي الْبَاطِنِ. Donc, il faut que les œuvres soient valides en apparence dans la façon qu'on les fait, et il faut qu'elles soient valides également intérieurement en les rendant pures, c'est-à-dire en les purifiant pour qu'elles soient uniquement pour Allah. Et ça c'est dans qu'est-ce qui est à l'intérieur dans notre cœur. Oui, tafaddal, vas-y. Celui qui montre, c'est-à-dire qui dit qu'il croit intérieurement mais que extérieurement il pratique pas qu'est-ce qu'il prétend avoir dans son cœur. Ça c'est un cas qui en réalité, pour dire la vérité, ce cas-là c'est un cas qui est pas possible. C'est une contradiction. Pourquoi on dit que c'est une contradiction? Parce que c'est seulement la seule façon que quelqu'un peut, on peut dire ça, parce que nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas chargé de juger une personne selon son cœur, ou qu'est-ce qu'elle a dans le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, il est caché des hommes. Moi, je peux pas voir qu'est-ce que toi t'as dans ton cœur, toi qu'est-ce que t'as dans ton cœur, qu'est-ce que les hommes ont dans le cœur, je peux pas le voir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne m'a pas chargé non plus d'essayer de découvrir ou de comprendre ou de voir qu'est-ce qui est caché dans le cœur des hommes. Ça, c'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, même dans le hadith, je n'ai pas été envoyé, ou bien on n'a pas été envoyé pour ouvrir le cœur des hommes, savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est parce qu'on peut pas le savoir. Nous, la seule chose qu'on doit faire, c'est de se baser sur ce qui est apparent, qu'est-ce qui est extérieur. Et c'est là-dessus qu'on s'arrête. Si la personne est sincère envers Allah, tant mieux pour elle. Alhamdulillah. Ça, c'est ça qui va la sauver au jour de la résurrection. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Si on voit son extérieur est bon et que Allah il sait que son extérieur est mauvais, que son intérieur est mauvais, dans ce cas-là c'est un hypocrite. Mais si il nous montre un extérieur qui est mauvais, il nous montre un extérieur qui est mauvais, puis que lui avec sa bouche il dit mon intérieur il est bon, alors nous on se base pas sur ce qu'il prétend avec sa bouche, on se base sur ce qui est dans son apparence et dans ses actions et dans ses paroles. Son cœur, s'il est bon ou non, Allahu a'lam, c'est Allah qui sait. Peut-être qu'il est sincère, peut-être qu'il est hypocrite. On ne sait pas. Mais la seule chose que nous, on est capable de connaître et de juger, c'est ce que cette personne-là nous montre. Et c'est à ça qu'on doit s'arrêter seulement. On ne peut pas s'arrêter à autre chose que ça. Donc, la personne qui nous dit « Moi, je suis bon dans mon cœur », mais qui fait tout le contraire, c'est-à-dire tout ce qui est ordonné par Allah, elle ne le fait pas, et tout ce qui est interdit par Allah, elle le fait, et après elle dit « Moi, dans mon cœur, je suis une bonne personne, je suis soumis à Allah dans mon cœur », on va dire « Ça, c'est toi qui le prétends. » Nous, on n'a aucun moyen de savoir ça ou de vérifier ça. D'accord ? Nous, on se base sur ce que tu nous montres et ce que tu nous dis. Et selon ce qu'on voit et selon ce qu'on entend de toi, tu n'es pas ce que tu prétends être. Et on ne peut pas l'accepter. D'accord ? On va dire à cette personne, corrige-toi, corrige tes œuvres, hein, repens-toi à Allah, fais les œuvres qui viennent avec ce que tu prétends avoir dans le cœur. Et lorsqu'on va voir un lien qui correspond entre ce que tu prétends de ton intérieur et ce qui est dans tes œuvres et dans tes paroles à l'extérieur, là on va dire, nous on voit ce que tu nous montres, et ce que tu nous montres, il est en accord avec le Coran et la Sunna, donc ça on l'accepte. Peut-être que tu es un hypocrite, Allahu a'lam. Peut-être que tu es sincère, Allahu a'lam. L'important c'est ce que nous on fait, on se base que sur ce qu'on peut voir. Le cœur des hommes, c'est Allah qui va le juger. C'est pas nous. Donc des fois, tu vois des gens, par exemple, qui font des péchés ou qui négligent des obligations. Puis quand on leur dit, « Ya akhi, qu'est-ce que tu fais ? Ça, c'est pas correct. C'est contraire à l'islam. Crains Allah. Repens-toi. » Il dit, « Pourquoi tu me juges ?» Il dit, « Pourquoi tu me juges ?» Tu dis, « Moi, je juge seulement ce que je vois. Je juge seulement ce que tu me montres. » Et Allah m'a ordonné de constater les choses que je vois avec mes yeux. Si j'entends de ta bouche des paroles qui contredisent l'islam, et je vois de tes actions des choses qui contredisent l'islam, tu veux que je dise quoi? Le contraire? Tu veux que je dise que non, tout est correct? Hein? Et moi, je suis ton frère en islam. Mon devoir, en tant que ton frère, c'est de te donner le bon conseil. De t'orienter vers le bien, de t'interdire le mal et de t'encourager à délaisser le mal et à faire ce qui est bien. Hein? Mais ton intérieur, si tu dis qu'il est bon, fais qu'est-ce qui vient avec. Puis là, dans ce cas-là, on va dire oui, il est correct. Mais si on voit le contraire, on va dire non, ça c'est pas acceptable. Hein? Celui qui a l'apparence de la sunna, nous on juge selon ce qu'il nous montre. S'il a l'apparence de la sunna et qu'il suit la sunna dans son extérieur, nous, on se base sur ça. Peut-être que dans son cœur, il n'a pas la foi. Peut-être que c'est un munafiq. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Parce que ça, c'est entre lui et Allah. Son intérieur, c'est Allah qui va le juger. Maintenant, l'autre qui dit, hein, qui prétend qu'il est sur la foi et que sa foi est forte, et que sa foi, peut-être même certains vont dire, moi ma foi est plus forte que ceux qui ont la barbe et qui portent la sunna et qui pratiquent la sunna. Là je vais dire mon frère, j'ai aucun moyen de savoir ce que tu prétends. Comment tu veux que je sache le niveau de ta foi alors que tout ce que je vois dans tes actions et dans ton apparence, c'est des contradictions à la sunna. Est-ce que tu penses que plus tu contredis la sunna, plus ta foi augmente? Puis plus tu pratiques la sunna, plus ta foi diminue. C'est le contraire en réalité. C'est pas possible. Parce que la aqida de Ahl Sunna au sujet de la foi, c'est que plus tes bonnes œuvres augmentent, plus ta foi augmente. Plus tes bonnes œuvres diminuent, plus ta foi diminue. Plus tes péchés augmentent, plus ta foi diminue. Plus tes péchés diminuent, plus ta foi augmente. C'est ça la aqida de Ahl Sunna wal Jama'a. Sauf que c'est possible que quelqu'un qui, dans son cœur, n'a pas de foi, mais qui veut tromper les croyants, ou qui veut profiter de la dunya, nous montre des bonnes choses, mais dans son cœur, il n'y croit pas. C'est possible. Mais Allah nous a pas demandé de regarder le cœur des hommes. Allah va le juger selon ce qu'il a dans son cœur. S'il était hypocrite, Allah va le savoir. S'il était sincère, Allah va le récompenser pour sa sincérité et pour son, ses bonnes œuvres. Mais en ce qui concerne de la personne qui dit « Moi, je suis un bon croyant, j'ai la foi forte », mais qu'il contredit tout ce qui est enseigné par le Coran et la Sunna, il y a un problème. Soit qu'il est ignorant, c'est-à-dire il ne sait pas qu'il contredit le Coran et la Sunna, peut-être que c'est possible. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils font des choses contraires à l'islam, puis ils ne savent pas que c'est contraire à l'islam. Dans ce cas-là, notre devoir, c'est de lui enseigner, de lui apprendre. Et si après lui avoir enseigné, il change, là on va voir que cette personne-là était sincère. Hein? Il ne savait pas, par exemple, il ne savait pas que raser la barbe c'est haram. Quand tu lui as expliqué, tu lui as montré les preuves et tu lui as donné les paroles des ulama sur ça, là il a dit, ah, je ne savais pas que c'était obligatoire. Hein? Alors là tu vois que tu le vois dans une semaine, deux semaines, tu vois qu'il commence à laisser pousser sa barbe. Et puis après tu le revois pendant deux mois, un an, deux ans, trois ans, il a toujours sa barbe, hein, il l'a jamais touché, il l'a jamais rasé. Tu dis, ah ben ce frère-là, il était sincère. Il n'avait pas la barbe, mais c'est pas parce qu'il voulait pas la mettre ou parce qu'il voulait désobéir au messager ou contredire la sunna. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il savait pas que c'était obligatoire. On lui avait peut-être fait croire que c'était pas obligatoire, donc il la rasait. Il pensait que c'était permis. Mais une fois qu'on lui a montré les preuves et qu'on lui a expliqué les choses, il a laissé sa barbe, il a cessé de la raser. Ou bien une femme, par exemple, elle ne porte pas le hijab comme il faut. Puis ensuite, on lui a montré les preuves du Coran et de la Sunna sur ces choses-là. On lui a montré qu'il y a une façon de mettre le djilbab, qu'il faut que ça couvre tout le corps de la tête aux pieds et que ça doit être ample. Ce n'est pas seulement de cacher la tête ou les cheveux avec un fichu ou un morceau de tissu, hein? Non, il faut complètement couvrir le corps de la femme de la tête aux pieds, hein? Et le visage obligatoirement aussi. Bien entendu, il y a certains ulama qui disent que c'est pas obligatoire mais que c'est recommandé, mais la position la plus authentique et la plus solide sur ce sujet que c'est obligatoire également de couvrir le visage. N'empêche que tout ça, c'est une question aussi de connaissance, parce qu'il y a des musulmanes, on leur a caché la vérité sur ce sujet-là, on leur a déformé les choses, on les a trompés. Non seulement elles se dévoilent le visage, mais en plus de ça, elles laissent paraître beaucoup des différentes parties de leur corps, elles ne les couvrent pas correctement. Donc ça, c'est juste deux exemples que j'ai mentionnés, la barbe et autres, mais c'est la même chose, le reste de la religion, c'est comme ça. Donc, il faut qu'il y ait un lien entre la pratique et l'intérieur et l'extérieur. C'est comme celui qui dit, l'extérieur, c'est pas important, qu'est-ce que tu fais comme action et qu'est-ce que tu pratiques comme religion, c'est pas important, l'important c'est le cœur seulement. Dans ce cas-là, les ulama, ils ont donné une analogie, un exemple qu'ils ont donné, pour faire comprendre à ces gens-là que l'intérieur et l'extérieur sont reliés ensemble. Ce qui est à l'intérieur va avoir un effet sur l'extérieur. Et l'extérieur a un effet aussi sur l'intérieur. Et que les deux sont interreliés. Ils ont dit, par exemple, quand tu vas aller au marché pour acheter un fruit, pour acheter des légumes, si tu vois des fruits qui sont remplis de trous et remplis de moisissures, est rempli de pourriture, puis que tu vois à côté un fruit qui est tout beau, brillant, propre, frais, hein, lequel des deux tu vas choisir, hein? Est-ce que tu vas choisir le fruit qui est rempli de trous, de vers, de moisissures et de pourriture dessus, ou bien tu vas prendre celui qui a l'air tout propre, tout beau, tout frais, hein, et qui a l'air bien mûr? Non, tu vas prendre celui qui est bien. Pourquoi? Tu vas pas dire, ah, mais ça c'est juste l'apparence, il faut pas se baser sur l'apparence. Je vais prendre celui qui est tout pourri là, puis en dedans il va être bon. Hein? Non, parce que c'est pas comme ça. La réalité, c'est pas comme ça. Si tu vois quelqu'un qui est croche dans sa religion, et dans tout ce qu'il fait, il contredit le Coran et la Sunna, puis il dit mon intérieur est bon, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme la personne qui est comme un, c'est comme un peu comme le fruit qui est complètement pourri à l'extérieur, puis toi tu dis oh, j'espère qu'à l'intérieur il est bon. Hein? C'est une contradiction. L'être humain, la nature humaine, elle ne fonctionne pas comme ça. Hein? Si tu vois par exemple, je ne sais pas moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se base sur des choses comme ça dans la vie de tous les jours, parce que l'intérieur et l'extérieur, il y a une relation entre les deux. Peut-être par exemple, il y a des choses par contre, ce n'est pas toujours le cas. Comme par exemple, tu vas dire par exemple, peut-être qu'une femme qui est handicapée, qui est déformée, ou qui a une malformation, ou qui a un handicap, ou qui n'est pas jolie, par exemple. Elle n'est pas jolie, elle n'est pas attirante, pas jolie, pas belle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Ça peut être une très bonne croyante, une femme très pieuse, mais dans ses actions et dans sa parole, tu vas le voir. Elle dit ce que Allah aime et son messager. Tout ce que Allah et son messager n'aiment pas, elle s'en écarte. Elle fait ce que Allah aime et son messager, elle applique la religion, elle s'écarte de tout ce que Allah et son messager n'aiment pas. Donc, c'est une personne, peut-être que physiquement ou dans son apparence, elle n'est pas jolie, elle n'est pas belle, mais dans ses actions et dans ses paroles, dans ce qu'elle fait, elle est en accord avec la révélation, elle est en accord avec le Coran, elle est en accord avec la Sunna. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on parle de l'apparence, pas l'apparence juste des questions de beauté ou de physique, là, le superficiel. Non, on parle de comportement, on parle de croyance, on parle de la foi, on parle des bonnes œuvres, on parle pas de l'esthétique seulement. Il faut voir plus loin que ça. D'accord, donc ça c'est juste une note en passant sur cette question-là, parce que beaucoup de gens, parfois, ils se trompent là-dessus. Et c'est rendu, à ce sujet-là, c'est rendu grave, parce que, surtout dans la société des koufars, les gens maintenant, ils sont rendus que toute personne qui appelle au bien et qui s'attache à la religion, tout de suite, ils les considèrent directement comme étant des hypocrites. Et la raison de ça, c'est parce qu'ils disent, les croyants, ils font des péchés. Donc, s'ils font des péchés, ça veut dire qu'ils sont des hypocrites. Mais, par contre, le mécréant, celui qui ne croit pas à Dieu, qui ne croit pas en Allah, qui appelle personne à faire le bien et qui incite les autres même à faire le mal, dit « Ah, lui, il n'est pas hypocrite, il est sincère. » Pourquoi ? Parce qu'il ne contredit pas ce qu'il dit. Il dit le mal et il fait le mal et il appelle pas au bien et il laisse tout le monde faire ce qu'il veut. Donc lui, il n'est pas en contradiction. Il n'a pas aucune contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc il n'est pas hypocrite. Vous voyez comment les gens, ils ont une mentalité un petit peu malade maintenant de penser de cette façon-là. Hein? Parce qu'ils pensent que le fait qu'un croyant puisse avoir des péchés ou faire des choses incorrectes ou avoir des faiblesses, que ça veut dire que la religion, elle est fausse. Ou que quelque chose, que tout ce qu'il fait est pas bon. Non, ça veut pas dire ça. Si on devait attendre à ce que quelqu'un soit parfait pour qu'il appelle au bien, et pour qu'il interdise le mal, alors dans ce cas-là, personne n'allait appeler au bien. Personne n'allait interdire le mal. Personne n'allait faire la da'wah. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait. D'accord ? Donc ça, c'est très important de comprendre que l'hypocrite, en réalité, ce n'est pas celui qui pratique sa religion, mais qui tombe dans un péché de temps en temps, puis qui se repent à Allah. Non. L'hypocrite, c'est celui qui, au contraire, n'a pas... ne cache pas ses péchés, les fait ouvertement, et qui se dit, malgré tout, un croyant complet et parfait, hein, et qui ne se repent pas de ses péchés, mais au contraire, il les expose, ses péchés. Et puis même, parfois, certains, ils sont assez effrontés pour même aller jusqu'à dire, j'assume mes péchés. Hein, et puis, comme s'ils sont capables d'assumer ça, comme si au jugement dernier, ils vont être capables de répondre ça devant Allah. Ils savent pas à quoi ils ont, ils savent pas ce qui les attend. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils assument. Le jour où ils vont être devant le Créateur et qu'ils vont voir le châtiment devant eux, ils vont regretter ce jour-là d'avoir prétendu assumer ces péchés-là, parce que ce jour-là, ils ne pourront pas les assumer. Mais ils vont être obligés de les reconnaître, de les admettre. Mais ils vont réaliser à quel point ils avaient tort ce jour-là. Et les remords vont les ronger. Le cheikh, il dit ensuite, donc, que al-inqiyad, la soumission, c'est la soumission intérieure et extérieure. On a dit les actes apparents et la sincérité du cœur. Maintenant, ensuite, le cheikh, il a défini l'islam en disant « والخلوص من الشرك التحقيق هكذا والبراءة يعني والتحقيق هكذا والبراءة من الشرك وهذه أي هذه المحققة وقال بعض علمائنا إن كلمة الخلوص مقحمة أو مبدلة من بعض النساخ والصحيح البراءة من الشرك ولعله يؤيد هذا أي أن البراءة بدل من الخلوص هو الصحيح قول الشيخ رحمه الله في بعض رسائله أصل الدين وقاعدته أمران الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه والثاني النهي عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه يعني في الله وتكفير من فعله فهذا القول يتضمن الولاء والبراء. Donc le cheikh il dit également parmi les éléments qui font partie de la définition du tawhid, de la définition de l'islam, on a dit de se soumettre à Allah par le tawhid. L'islam, c'est ça. C'est ça la définition générale de l'islam. De se soumettre à Allah par le tawhid, de se soumettre à Allah par son obéissance, et de se débarrasser du shirk. Et certains ulama ont clarifié et ont corrigé cette expression-là en disant que c'est plutôt de se désavouer du shirk. Et que la parole al-khulus, au lieu de al-bara'a, al-khulus, c'est-à-dire de se débarrasser, ou d'être exempt du shirk, ça c'est une parole qui avait été remplacée par certains scribes, ou certaines personnes qui avaient retranscrit le livre dans certaines versions, ou dans certaines copies du livre de al-usul al-thalatha. Toutefois, la version qui était authentique et la plus correcte, c'est celle dans laquelle il mentionne que la définition de l'islam, c'est à propos de ce point-là, c'est pas al-khulus min ash-shirk, mais al-bara'atu min ash-shirk, c'est-à-dire de se désavouer du shirk. Hein? Al-bara'a min ash-shirk, c'est-à-dire de se désavouer du shirk et d'être innocent du shirk et de ceux qui le font. Et la preuve de ce qui peut, le cheikh dit, il y a quelque chose même qui peut supporter cette parole-là de certains ulama qui disent que c'est al-bara'a plutôt que al-khulus et que c'est ça c'est al-bara'a qui est correct. C'est la parole de Cheikh al-Islam ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab dans un autre de ses livres où il dit que le fondement de la religion et sa règle c'est basé sur deux choses. La première, c'est l'adoration d'Allah lui seul, sans aucun partenaire, et d'inciter les hommes à cela, et de s'allier, d'aimer les gens par rapport à cette règle-là, et de déclarer comme étant mécréant toute personne qui le délaisse, c'est-à-dire qui délaisse l'adoration d'Allah seul, sans partenaire. Et il dit le deuxième fondement, c'est le contraire du premier, c'est le fait d'interdire le shirk dans l'adoration et d'interdire cela avec sévérité et de s'opposer et de détester en Allah celui qui le fait, de détester celui qui est dans le shirk et qui adore d'autres que Allah et de déclarer que celui qui le fait n'est pas croyant, hein, est en dehors de la foi. C'est-à-dire, il a commis le kufr. Et ça, c'est une parole qui implique al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara, ça veut dire le fait d'aimer et de détester pour Allah. De se rapprocher de ceux que Allah aime et de s'écarter de ceux que Allah déteste. C'est-à-dire de se rapprocher des croyants qui sont sur le tawhid et de s'écarter des mushrikin et des kuffars. Hein, et d'aimer ceux qui sont sur le tawhid et de détester ceux qui sont dans le shirk et dans le kufr. Naam. قال الشيخ Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique par la suite que la religion est divisée en trois degrés. Wa huwa thalath maratib. Thalath maratib. Trois règles. Maratib, c'est le pluriel de martaba. Cheikh il dit al maratib jam'u martaba. Wal martabatu al makanatu allati yastahiquha ash-shay'. Donc al martaba, c'est un degré. Une position que quelque chose mérite. Ok? Et donc, on dit martaba, c'est le singulier, maratib, c'est le pluriel. Donc, il dit que la religion est divisée en trois maratib, trois degrés, trois positions. Donc, ça implique aussi qu'il y a des degrés d'importance, hein, des degrés d'importance. Et il dit donc maratib ad-din thalatha. Thalath, yani al-islam. Al-islam, premier martaba. Al-iman, deuxième martaba. Al-ihsan, troisième martaba. Trois maratib. Al-islam, al-iman, al-ihsan. Et il dit wa hadha mustanbatun من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Donc il dit ces trois degrés là, l'islam, l'iman, l'ihsan, ils sont extraits de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم dans le hadith de Jibril, dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à sa fin, il a dit à la fin de ce hadith, c'est Jibril qui est venu pour vous enseigner votre religion. Hein? Et dans ce hadith-là, il a divisé la religion en trois degrés. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Et là, le cheikh, il dit, كانت أسئلة جبريل, وكانت أسئلة جبريل, صلى الله عليه وسلم, لمحمد صلى الله عليه وسلم, عن هذه الثلاثة, عن هذه الثلاث, فعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدين والقول ما قاله الله ورسوله فلا دين حتى تكتمل هذه المراتب الثلاث عند العبد. Donc le cheikh il dit que ces questions qui ont été posées de la part de Jibril au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم ont été sur ces trois degrés, sur ces trois degrés de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré et a calculé cela comme étant la religion. Ces trois degrés, il les a considérés comme étant la religion en entier. C'est-à-dire que ces trois degrés-là réunis forment la religion en entier et forment l'islam. وَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ اللَّهُ. Et la parole à ce sujet-là, c'est la parole d'Allah et de son messager. Donc il n'y a pas, yani, de religion jusqu'à ce que quelqu'un ait complété ces trois degrés-là. C'est-à-dire, jusqu'à ce que ces trois degrés soient complets chez le serviteur. C'est-à-dire que ça veut pas dire que si quelqu'un, par exemple, il n'a pas atteint le degré de Al-Ihsan, qu'il n'a pas de religion du tout. Non, mais ça veut dire que sa religion, elle sera pas complète. Elle sera pas entière. Il y aura pas la personne qui a accompli qui a complété les trois degrés. Ça, c'est le musulman qui a atteint la perfection dans sa religion, qui a atteint le degré le plus parfait, d'accord. Puis le minimum, c'est celui qui a appliqué l'islam seulement. Puis un autre degré plus élevé, c'est l'iman. Puis le degré supérieur, qui est la perfection, qui est le meilleur, c'est al-ihsan. D'accord ? Donc c'est ça que le cheikh il explique ici, que celui qui a complété ces trois degrés-là, il a complété son islam. Il a complété sa religion en entier. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah, la suite de ce livre de Al-Usul al-Thalatha, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.